Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. Trente-cinquième et dernier épisode, Bal et masques. Le piège tendu par Lord Buridan aux Lords de la Main Rouge vient de se refermer sur Baruch et Orgal. Mais quel étrange supplice a-t-on imaginé? Et le cauchemar de Baruch prendra-t-il fin un jour? Mais est-ce un cauchemar? Cet étrange mariage où son double menait à l'autel la femme qu'il devait épouser, William Dorgan ressuscité, ou bien le fantôme de William Dorgan tenant le bras de la mariée? Un cauchemar? La réalité? Et pourtant, Baruch a bien été enlevé. Il se passe sûrement quelque chose. Mais quoi? Y aurait-il quelque chose de cassé dans la mécanique si précise de Cornelius? Écoutez. Vite, Leonello! Vite, où est mon frère? Dans le salon, sir. Cornelius! Ah, enfin, je te trouve. Eh bien, Fritz, qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Assieds-toi là. Tu as l'air tout bouleversé. Ah, y a de quoi? Tout est perdu, Cornelius. Baruch est pris. Et Dona Carmen est mariée. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es devenu fou ou quoi? Malheureusement, je ne suis pas fou. Baruch n'a pas reparu à son hôtel depuis notre dernière entrevue. Personne ne sait ce qu'il est devenu. C'est bien ce que je disais, tu déraisonnes. Enfin, réfléchis. Si Baruch a disparu, comment Dona Carmen aurait-il pu se marier? Mais je te dis qu'elle s'est mariée! Elle a épousé Joe Dorgan, il y a 4 jours. Joe Dorgan? Oui, le vrai Joe Dorgan, et pas Baruch. Et ce n'est pas tout. William Dorgan, en personne, assistait au mariage. William Dorgan, oui. Mais enfin, tu divagues, Fritz! William Dorgan est mort et enterré, c'est nous-mêmes qui avons reconnu son cadavre après l'accident du pont de l'Estacade. Ce n'était pas William Dorgan! Hein? Non! L'homme qu'on a enterré à sa place était un certain Murray! William Dorgan, lui, a été ramassé par des amis qui l'ont soigné jusqu'à ce jour dans une maison de santé. Nom de Dieu! Nom de Dieu! Buridan et sa bande nous ont roulés comme des enfants. Mais continue. Explique-moi cette histoire de mariage. Oh, c'est simple. Carmen Hernandez était du complot. Hein? Oui, je viens d'apprendre, mais trop tard, qu'elle avait eu plusieurs entretiens avec Lord Buridan et André de Maubreuil. Oui, elles avaient toutes les deux avengé la mort de leur père que Baruch avait assassiné. Et elles se sont entendues à merveille. Et c'est ainsi qu'ils ont organisé cette comédie dont nous sommes aujourd'hui les victimes. Ah, je comprends maintenant pourquoi l'Espagnol se montrait si fière et si cérémonieuse avec Baruch, et pourquoi elle le recevait si rarement. Oui, en fait, elle voyait bien plus souvent le véritable Joe. Oui, c'est bon Dona, paraît-il, qui l'a guéri. Ah, et Baruch? Mais je viens de te le dire, il a disparu! Est-ce que tu te rends compte que nous allons avoir affaire maintenant à William Dorgan et au vrai Joe Dorgan? Oui, et sans doute aussi à la police des États-Unis. Tout ça, c'est bien de ta faute! Si tu avais tout de suite supprimé Joe Dorgan, comme je te l'avais demandé, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Ça suffit, hein? Calme-toi, Fritz! C'est pas le moment de nous disputer. Et tes reproches n'ont aucun sens. Tu ne comprendras pas que nous sommes en position de force. Nos contrats avec le trust de William Dorgan sont parfaitement en règle. Mais enfin, on va t'accuser d'avoir opéré la substitution de Baruch et de Joe Dorgan. Encore faudrait-il prouver que c'est moi. Les procédés que j'ai employés sont connus, je les ai publiés dans des revues scientifiques. Et n'importe quel médecin peut les avoir utilisés. Ah, vraiment, j'admire ton calme et ta confiance, Cornelius. Que proposes-tu de faire? La première chose à faire est de retrouver Baruch. C'est lui la seule et unique preuve que l'on puisse utiliser contre nous. Hein? Occupe-t'en. Très bien. Je vais mettre Slug et une douzaine de nos plus habiles affiliés à sa recherche. Mais crois-moi, il faut que nos adversaires soient bien sûrs du succès pour se démasquer comme ils le font. Oui, c'est ce qui les perdra, n'aie pas peur. Lord Buridan et sa bande n'ont pas encore gagné la partie. Je suis célèbre, je suis riche, et j'ai à mes ordres les poignards de la main rouge. Ils verront qu'on ne s'attaque pas impunément au docteur Cornelius Crabbe. Ouvrez-moi! Ouvrez-moi! Vous n'avez pas le droit de me retenir prisonnier! Ouvrez-moi! Ouvrez-moi! Mais répondez, mon Dieu! Répondez, montrez-vous au moins! Alors, personne ne répond, comme d'habitude. Si seulement je pouvais savoir. Oui. Qui sont mes ravisseurs? 3 jours déjà que je suis ici. Je vais devenir fou, moi. Et que me veulent-ils? S'ils veulent une rançon, qu'ils le disent. Ah. Quelqu'un. C'est vrai. Ah. Par ici, Sir Fred Yorgel. Le voici. Merci, mon brave Joliot. Mon Dieu, mon père, vous? Oui. Votre père, misérable. Votre père qui espérait ne jamais vous revoir. Je pensais, comme tout le monde, que vous aviez perdu la raison. Je pouvais mettre les assassinats de Yorgel City et le meurtre de Monsieur de Maubreuil sur le compte d'une démence sanglante. Je sais à présent que vous aviez toute votre raison. Vous avez une première fois échappé au châtiment. Mais tout a une fin. Cette fois-ci, ni la science infernale du docteur Cornelius, ni les poignards de la main rouge ne réussiront à vous sauver. Shut up, Raymond! Tête-moi tranquille, sinon! Écoutez-moi, je vais vous dire de vous. Je regrette une chose. De ne pas vous avoir tué. Vous n'êtes qu'un misérable, Baruc. Et j'ai hâte d'en avoir fini avec vous. Vous allez m'écouter. Maintenant, j'ai pensé que si lâche que vous soyez, vous auriez au moins le courage de vous suicider. Caleb ! Je vous laisse jusqu'à demain pour le faire. Si demain vous ne vous êtes pas fait justice, d'autres s'en chargeront. Mon père, avant de mourir, faites-moi une faveur. Une seule faveur. Je vais revoir ma sœur Isidora. Il n'en est pas question. Je suis sûr que vous ne l'avez pas dit, ce que vous voulez faire, hein ? Elle vous en aura empêché. Est-ce que vous avez réfléchi à ce qu'elle pensera quand elle apprendra que vous m'avez forcé à mourir? Ça suffit, Baruc. Je vous en supplie, mon père. Accordez-moi la vie, seulement la vie, au nom d'Isidora, je vous en supplie, à genoux. Vous me dégoûtez, Baruc. Relevez-vous. J'aurais cru qu'un bandit de votre sorte aurait montré plus de dignité. Je vous laisse ce revolver et ces cartouches. Vous avez jusqu'à demain matin pour mourir. Pèse lourd, ce revolver, une arme de luxe, digne d'être faite par un milliardaire, à son fils. Après tout, c'est lui qui est responsable. Il a fait de moi un assassin. Demain matin. Demain matin, le premier qui entre dans cette cellule. Floup, floup. Je la bats comme un chien. n'a pas fini d'entendre parler de moi. Saloperie. Saloperie! Ouais, mais après, toujours la même chose. Et de leur côté, ils ont dû prévoir que je me laisserais pas faire. Pardi. Ils s'apercevront peut-être que je suis pas mort, alors. Ils sont bien capables de me laisser mourir, les vaches. M'enfermer ici. Et à quoi bon essayer de lutter? Maintenant, il vaut mieux finir tout de suite. Tiens. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça alors? On dirait que quelqu'un essaie de percer le plafond de ma cellule. Je vais le flinguer, ça. Mais oui. Mais c'est ça y est, c'est sûrement la main rouge. Mais oui, c'est la main rouge, il vient de me délivrer. Je savais qu'il ne m'abandonnerait pas. Ils font trop de bruit, ce con, je vais le flinguer. Moins de bruit, bon Dieu, ils vont attirer Goliath. Arrête, le revolver, vite. Le flingue, là. Si cette brute a le malheur de venir me déranger, je la bats comme un chien. Flap, flap, flap, flap. Ah, mon père, hein, vous avez une fameuse idée de me donner ce revolver. Eh bien, je vais m'en servir maintenant. Oui, attention, c'est toi, Slug. Oui, c'est moi. J'ai reçu l'ordre de vous délivrer. Mais malheureux, tu fais trop de bruit. Goliath va arriver, va nous foutre à se faire foutre. Ne vous inquiétez pas. Ce bon Goliath et ses collègues ne nous dérangeront pas. Ils dorment d'un si profond sommeil qu'il serait très difficile de les réveiller. Tu les as tués? Non, sir. Ils sont simplement endormis. J'ai pris avec moi une dizaine de nos meilleurs chevaliers du chloroforme. Ok, ok, ok. Et Lord avait défendu qu'on leur fût le moindre mal, alors. Mais ils ont eu raison. Mais assez de paroles inutiles maintenant. J'ai hâte d'être enfin à l'air libre. Aide-moi à sortir d'ici. Tiens, tiens, voilà mon bras. Yes. Là, tire. Allez, allez. Oh. Allez. Ça y est, déménager. Ils sont sans doute dans le laboratoire souterrain. Prisonnier, bonjour Babuc. Je viens d'apprendre le succès de votre évasion. Mais entrez, ne restez pas à la porte. Lionello, le champagne qui est au frais. Et trois coupes. Des retrouvailles, ça s'arrose. À votre liberté repentise, Babuc. Ah, merci mes amis, merci. Merci, vraiment. C'est curieux, je ne reconnais plus le laboratoire. Vous avez changé quelque chose? Oui, oui. Nous avons dû détruire un certain nombre d'appareils et de pièces anatomiques compromettantes. Mais pourquoi cela? Mais pourquoi? Parce que la police peut venir perquisitionner d'un moment à l'autre. Comment ça, la police? Pourquoi la police? Il s'est passé bien des choses pendant les 4 jours où vous avez disparu, Babuc. D'abord, nous avons appris que William Dorgan n'était pas mort. Ensuite, le vrai Joe Dorgan, a réapparu. Non seulement il est complètement guéri, mais il vient d'épouser votre fiancée, Carmen Hernandez. Carmen mariée à Joe Dorgan? Oui. Mais alors, ce que j'ai vu de mon cachot, ce n'était pas une hallucination? Eh non, mon cher Baruch, c'était bien la réalité. Ils vous avaient enfermé dans un cachot situé sous les combles de la chapelle où avait lieu le mariage. C'était leur vengeance. Mais alors, tout est découvert. Qu'allons-nous devenir? En ce qui vous concerne, Baruch, il n'y a qu'une seule solution. Il faut que vous disparaissiez le plus vite possible. Nous avons tout préparé. Oh, mais je n'aurais jamais cru une catastrophe aussi complète, aussi définitive. Voyons, Baruch, rien n'est jamais définitif. Nos adversaires ne sont pas immortels. Et la main rouge est toujours vivante. Tant que les trains pourront dérailler, tant que les paquebots pourront sombrer, tant que les maisons pourront sauter, il y aura toujours de l'espoir pour nous. J'ai gagné autrefois des parties plus difficiles. Eh bien, vous voyez, vous me redonnez du courage maintenant. Je vous obéirai de point en point. Alors, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Vous allez partir immédiatement. Leonello va vous conduire au port. Dans une heure, vous serez dans un paquebot à destination des Antilles. Voici déjà 100 000 $ en attendant. Merci. Notre agent à la Havane vous en donnera d'autres à l'arrivée. Parfait. Ah, Leonello. Oui, sir. Conduis immédiatement Monsieur Baruch au port, quai 35. Après vous, sir. Merci. Merci, Leonello. Ah! What? Bravo, Leonello. Tu l'as poignardé juste dans le bulbe. Toujours aussi précis à ce que je vois. Bon, maintenant il faut faire vite. Porte ce cadavre dans le four électrique et lance le courant le plus puissant que nos accumulateurs pourront fournir. Il faut que dans une demi-heure, il n'en reste que des cendres. Bien, sir. C'est étrange. Baruch meurt presque dans les mêmes conditions que le chimiste français de Maubreuil qu'il a assassiné il y a quelques années. Croirais-tu à la Providence, mon cher Fritz? En tout cas, moi, j'y crois. Ce doit être la Providence qui nous a permis de nous débarrasser si facilement de Baruch, qui ne pouvait que nous compromettre et dont nous avons retiré toute l'utilité possible. Que Buridan et sa bande essaient de porter plainte contre nous, maintenant ils n'auront aucune preuve. Baruch était une vivante pièce à conviction et maintenant il n'en reste que de la fumée. Heureusement que nous avons eu la sagesse de toucher notre part du trust. Oui, tout compte fait, nous sommes largement gagnants. Et n'oublie pas qu'il nous reste encore un grand nombre des diamants de Maubreuil. Finalement, Baruch n'aura pas été une si mauvaise affaire. Encore un peu de champagne, Fritz. Oui. Mais que fait donc cet animal de Leonello? Nous devrions déjà sentir la chaleur du four. Est-ce que par hasard, il y aurait une panne de courant? Je vais voir. Vite. Quelques gouttes de poison dans la coupe de Cornelius. Maintenant, il s'agit de ne pas se tromper de coupe. Voilà. Bon. Allons voir ce qu'il fait. Alors, Cornelius, ce four... Ça y est, c'est réparé. Dans une minute, la température intérieure dépassera 2000 degrés. En effet, il commence à faire sacrément chaud. Mais où est donc Leonello? Il est parti me chercher une clé anglaise. Ah! Merci, Leonello. Juste ce boulon à resserrer. Voilà. Regardez. Les portes du four commencent à devenir incandescentes. Ah, cette chaleur me dessèche complètement la gorge. Ah oui, moi aussi. Si nous allions finir cette bouteille de champagne qu'on a eue... Bonne idée. Allons-y. Ce champagne a un goût bizarre. Tu ne trouves pas, Fritz? Un goût bizarre? Non, je ne trouve pas. Tu ne vois pas que je me sois empoisonné? C'est pour le coup que tu serais en droit de croire à la Providence. Pourquoi dis-tu des choses pareilles, Cornelius? Oh, comme ça. Il faut bien dire quelque chose, non? Mais qu'as-tu, Fritz? Tu es tout pâle. Moi? Mais non, je n'ai rien. C'est cette chaleur, sans doute. Ah, j'aime mieux ça. Je reviens donc à ma plaisanterie de tout à l'heure. Je disais donc, mon cher Fritz, que si je disparaissais, je te laisserais un héritage assez important. Oh, Cornelius, voyons, je t'en prie. Attends. Faisons une supposition. Un beau matin, mon cher Fritz se dit que son héritage se fait décidément bien attendre, que le docteur Cornelius est un parent compromettant. Et que ce serait vraiment un merveilleux hasard si le dit Cornelius venait à mourir de mort subite. Non, voyons, Cornelius, quoi, tu sais bien que je n'ai jamais eu de pensées pareilles. Ah, bien sûr que je le sais, je plaisante, Fritz. Mais laisse-moi continuer ma petite démonstration. La mort de son excellent frère Cornelius est donc devenue chez Fritz une obsession. Et comme le dit le proverbe, l'occasion fait le larron. Donc un beau jour que les deux frères sont tranquillement assis en train de boire du champagne... Fritz profite de ce que Cornelius a le dos tourné pour jeter du poison dans son verre. Arrête. Heureusement pour lui, Cornelius, sur qui veille la Providence, dont nous parlions justement tout à l'heure, a vu dans la glace de Venise le geste pourtant rapide de son frère Fritz. Que fait alors Cornelius? Il dit un mot à l'oreille de son fidèle Leonello. Celui-ci va au fond du laboratoire sous prétexte de chercher une clé anglaise et... il intervertit les coupes de sorte que... Mais qu'y a-t-il, Fritz? Tu commences à m'inquiéter. Tu es livide. Ça ne va pas. Oh non, ça ne va pas. Je t'en prie, Cornelius. Ne me laisse pas mourir. Tu as le contrepoison. Cornelius, vite, donne-moi. Tu as le contrepoison. Alors donne-moi. Je t'en supplie, Cornelius. Tu peux encore me sauver. Non. Cornelius, ça me brûle. Cornelius, au secours. Je t'en supplie, Cornelius. Tu m'as trahi. Tu mourras. Leonello, porte ce corps dans le four maître, avec l'autre. Maître, nous avons attendu trop longtemps. L'hôtel est cerné, la rue est barrée par un cordon de policemen. Il y a déjà des détectives plein la maison. Alors il est temps de partir. Nous avons encore quelques minutes devant nous. Ouvre la porte du passage secret pendant que je vérifie encore quelque chose. Ainsi périrent les lords de la main rouge. L'explosion de l'hôtel de Cornelius marqua le début d'une véritable chasse aux sorcières. Le police office et toutes les administrations furent épurées des membres suspectés d'avoir appartenu à la sinistre association. Des milliers d'arrestations furent opérées dans tous les États de l'Union. Un seul échappa à ces recherches. Un dénommé Slug, dont on a complètement perdu la trace. Ainsi se terminent les aventures du mystérieux docteur Cornelius. Ah non, attendez. L'histoire n'est pas encore tout à fait finie. Écoutez, nous sommes revenus en France en Bretagne, à Quéréty-sur-Mer, où l'illustre professeur Bondona, qui vient de remporter le prix Nobel à la suite de la publication de son livre « La conscience des végétaux », a réuni dans son merveilleux jardin tous ses amis pour une véritable fête de famille. Il y a là Fred Jorgal et William Dorgan qui sont devenus d'inséparables amis. Harry Dorgan et Mistress Isidora sont venus en compagnie de Joe Dorgan et de Mistress Carmen rejoindre leurs amis André Pagano, Frédéric Ravenel et leur mari. Master Bombridge, qui est en train de devenir milliardaire grâce à la création d'un escargot géant, n'a pas pu venir, mais a délégué sa fille, la charmante Régine, et son gendre Oscar Tournesol. Lord Buridan et Lady Eleanor ont également amené avec eux l'inséparable Agénor Marmousier et le peau rouge Cloum. Le peintre, Louis Grivard, qui a commencé un portrait du célèbre savant, est également là, ainsi que sa femme Lorenza, la guérisseuse de perles. Il y a aussi le cosaque Rapopov, devenu garçon de laboratoire, et la petite océanienne Atuara, que Frédéric a adoptée et qui est venue tout spécialement de l'institution parisienne où elle poursuit ses études. Voilà. Je crois que je n'ai oublié personne. Oh, oh pardon, pardon, j'allais oublier Pistolet. Oui, oui, Pistolet, tu es un bon chien. Oui, Pistolet, oui, oui, couchez, couchez. Vous savez, mes amis, que je m'interroge encore sur cet étrange docteur Cornelius qui est mort en emportant ses secrets. C'était vraiment une personnalité scientifique extraordinaire. Et croyez-vous vraiment qu'il soit mort, Monsieur Bandona? Mais voyons, mon cher Jorgel, vous savez bien qu'on a retrouvé son cadavre. Oui, oui, oui, certes, mais était-ce bien le sien, mon cher Dorgan? Vous savez que le sculpteur de chair humaine excellait dans l'art de truquer les pièces anatomiques. De plus, nous savons qu'il y avait dans l'île des Pendus un bandit qui lui ressemblait trait pour trait et qui n'a jamais été retrouvé. N'est-ce pas plutôt le cadavre de ce bandit que l'on a retiré des décombres de l'hôtel? Mais comment se serait-il échappé? La maison était entièrement cernée par la police au moment de l'explosion. Je n'ose rien affirmer. Mais on a découvert également, en déblayant le terrain pour y construire un gratte-ciel, que le laboratoire souterrain communiquait par une porte de fer avec les égouts de New York. Il a pu s'échapper par là. Ce qui confirmerait également cette hypothèse, c'est que les sommes énormes qu'il avait à sa disposition ont disparu avec lui. Oui, oui. Et tenez, regardez ce journal. C'est un vieux numéro du Sydney Times. Il y a un article sur un certain docteur Zweigbaum qui s'est fait en quelques mois en Australie une réputation de chirurgien de génie. Regardez sa photographie, Monsieur Bandona. Vous ne trouvez pas que, malgré ses favoris, il ressemble étrangement à Cornelius? Montrez-moi ça. Oui, c'est vrai. C'est curieux. Je me demande qui peut bien être ce mystérieux docteur Zweigbaum. C'était le mystérieux docteur Cornelius, feuilleton d'Edith Lauria, d'après le roman de Gustave Le Rouge. 35e et dernier épisode, Bas les masques, avec Michel Bouquet, Jean Topard, Jean-Pierre Joris, Max Vial, Julien Guillaumard, Jean Vienner, Marc de Géorgie, Jean Martin et Robert Parti. Musique du générique, Jean Vienner, bruitage, Louis Matabon, chef opérateur du son, Bernard Charon, collaboration technique, Noélie Louis-Marie. Assistante Brigitte Bouvier, réalisation Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 14 février 1978. Vous pourrez réécouter en ligne ou télécharger sur le site franceculture.fr tous les épisodes de ce feuilleton, Le mystérieux docteur Cornelius.